بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد ceci le cinquième cours sur le livre القول المفيد في أدلة التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي حفظه الله تعالى durant le dernier cours on a évoqué le chapitre dans lequel le cheikh explique où est Allah subhanahu wa ta'ala après y avoir apporté les preuves dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Puis il a expliqué les différentes parties de l'islam et que l'islam se divise en trois. Il y a le degré de l'islam, le degré de la foi et le degré de la bienfaisance. Ensuite il a donné la définition de l'islam. Et on avait dit que la définition de l'islam c'était al-istislamu lillahi bit-tawhid wa lil-qiyad lahu bit-ta'ah wal-khulus wal-bara'a min ash-shirk wa ahli. Donc l'islam c'est de se soumettre à Allah azza wa jalla à travers le tawhid, c'est de se soumettre à lui en obéissant et c'est en se désavouant du polythéisme et de ses partisans. Il a ensuite cité les cinq piliers de l'islam et a entamé le chapitre des choses qui annulent l'islam, des actes annulatoires de l'islam. Ils sont au nombre de 10. La semaine dernière, on a cité le premier qui est al-shirku billah, le fait d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala autre que lui. Et le second acte qui annule l'islam, c'est al-ridda, wal-iyadu billah, c'est le fait de renier sa religion de façon volontaire et de plein gré. De façon volontaire et de plein gré. Et on a cité les différentes preuves dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم يقول المؤلف حفظه الله الناقد الثالث من لم يكفر الكافر يهوديا كان أو نصرانيا أو مجوسيا أو مشركا أو ملحدا أو غير ذلك من أصناف الكفر أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فقد كفر ذلك بأن الله قد كفرهم وهو ضاد الله ورسوله فلم يكفرهم أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فقد اعترض على الله حين كفرهم قال الله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى والمشركون هم الذين عبدوا مع الله إلها ومعبودا آخر وقال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وقال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا وقال تعالى إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. Donc le troisième acte annulatif de l'islam, c'est le fait de ne pas considérer mécréant celui qui l'est parmi les juifs, ou qu'il soit juif, chrétien, qu'il soit mage, qu'il soit un polythéiste, ou qu'il soit athée ou autre caractéristique, ou autre branche de la mécréance. Celui qui ne considère pas mécréant cela, ou qui doute de leur mécréance, ou qui considèrent que la voie qu'ils ont suivie est la bonne, il a alors mécru. Ceci, pourquoi est-ce qu'il a mécru? Car Allah subhanahu wa ta'ala les a considérés comme mécréants. Et celui qui doute sur leur mécréance, ou qui considère que leur voie est la bonne, il a alors contredit Allah et son envoyé, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, et il s'est alors opposé à Allah lorsqu'Allah azza wa jalla lui-même les a considérés comme non-musulmans. La preuve dans le livre d'Allah, plusieurs versets. Le premier, le verset de Sourate Al-Bayyinah, le verset 6, où Allah Azza wa Jal dit « Ceux qui ont mécru parmi les gens du livre et les polythéistes seront dans le feu de l'enfer éternellement, et ils y resteront éternellement. « Oulaika hum sharrul bariyah » De toute la création, ce sont eux les pires. De toute la création, ce sont eux les pires. Et les gens du livre, lorsque l'on dit les gens du livre, cela signifie bien sûr les juifs et les chrétiens. Et lorsque l'on parle des polythéistes, ce sont eux, ce sont ceux qui ont adoré avec Allah une autre divinité que lui, subhanahu wa ta'ala. Et la preuve également qu'Allah Azza wa Jalla a considéré mécréants les gens du livre, c'est le verset 17 et également le verset 72 de sourate Al-Ma'idah, dans lequel Allah Azza wa Jalla a dit لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا. Ils ont mécru ceux qui ont dit qu'Allah c'est le Messie, fils de Marie. On va aller au tafsir de Cheikh Sa'di rahimahullah sur ce verset, le verset 17 de sourate Al-Ma'idah. يقول رحمه الله الشيخ السعدي لتفسيره للقرآن عند الآية السابعة عشر من سورة المائدة لما ذكر الله تعالى أخذ الميثاق على أهل الكتابين وأنهم لم يقوموا به بل نقضوه ذكر أقوالهم الشنيعة فذكر قول النصارى القول الذي ما قاله أحد غيرهم بأن الله هو المسيح ابن مريم ووجه شبهتهم أنه ولد من غير أب فاعتقدوا فيه هذا الاعتقاد الباطل مع أن حواء نظيره خلقت بلا أم وآدم أولى منه خلق بلا أب ولا أم فهل لا ادعوا فيهما الإلهية كما ادعوها في المسيح. Il dit, rahimahullah, après qu'Allah Azza wa Jal ait cité le pacte qu'avaient fait les fils d'Israël, et ce pacte-là, Allah Azza wa Jal l'a cité dans les versets qui le précèdent, et après avoir cité le fait qu'ils n'ont pas respecté leur engagement, Allah Azza wa Jal a cité parmi eux les chrétiens et a cité certaines de leurs croyances ou leurs croyances. Il a cité la parole des chrétiens qui ont dit une parole dont personne ne les a précédés, à savoir qu'Allah est le Messie, fils de Maryam, wal'iyadu billah, et leur preuve dans cela est que Jésus, alayhi salam, a été créé d'une mère sans père. Ils ont alors abusé sur Isa, alayhi salam, et l'ont considéré comme une divinité. Wal'iyadu billah. Alors que Hawa, Ève, elle aussi, est dans le cas similaire à Isa, alayhi salam, lorsqu'elle a été créée de père sans mère. Et Adam, alayhi salam, mérite si on suit le raisonnement, mérite plus d'être adoré et d'être une divinité, car Adam alayhi salam a été créé sans père ni mère. Alors, pourquoi ne prétendent-ils pas que Adam alayhi salam et sa femme Hawa sont des divinités comme ils l'ont prétendu pour Isa alayhi salam? Fadalla ala anna qawlahum ittiba'u hawa min ghayri burhan wala shubha. Ceci prouve que leur parole a été prononcée en suivant leur passion et qu'il n'y a dans cela ni preuve ni même ambiguïté. فرد الله عليهم بأدلة عقلية واضحة فقال قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا فإذا كان المذكورون لا امتناع عندهم يمنعهم لو أراد الله أن يهلكهم ولا قدرة لهم على ذلك دل على بطلان إلهية من لا يمتنع من الإهلاك وَلَا فِي قُوَّتِهِ شَيْءٌ مِنَ الْفِكَاكِ. Et Allah Azzawajal a répondu à cette mécréance en disant en disant subhanahu wa ta'ala dans la suite du verset قُلْ فَمَا يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْءٌ. Dit, qui pourrait empêcher Allah s'il voulait exterminer le Messie, fils de Marie, ainsi que sa mère et tous ceux qui sont sur terre. Si Allah Azza wa Jalla voulait les exterminer, qui pourrait l'en empêcher? Et le fait que ceux qui ont été cités ne puissent pas empêcher le fait qu'Allah Azza wa Jalla les extermine, si Allah Azza wa Jalla l'avait voulu et qu'ils n'ont pas la possibilité de repousser cela, alors cela est une preuve que ce ne sont pas des divinités. Et cela prouve que ces divinités, si elles sont prises en dehors d'Allah Azzawajal, ou si elles sont prises comme des divinités en dehors d'Allah Azzawajal, eh bien cela prouve leur fausseté. Car une divinité qui ne peut se sauver et qui ne peut épargner sa propre personne de la perdition, eh bien n'est qu'une divinité adorée dans le faux. Wal'iyadu billah. ثم قال الشيخ الوصابي حفظه الله وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. Une autre preuve que les chrétiens sont des mécréants est la parole d'Allah Azza wa Jalla dans sourate Al-Ma'idah, le verset 73. Ont mécru ceux qui ont dit qu'Allah était ثالث ثلاثة, était la Trinité, où était l'un des trois. Cheikh Sa'di, hafidhahullah ta'ala, rahimahullah, dit, lorsqu'il explique ce verset, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٌ وَهَذَا مِنْ أَقْوَالِ النَّصَارَى الْمَنْصُورَةِ عِنْدَهُمْ زَعَمُوا أَنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٌ الله, عيسى ومريم تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا وهذا أكبر دليل على قلة عقول النصارى كيف قبلوا هذه المقالة الشنعاء والعقيدة القبيحة كيف اشتبه عليهم الخالق بالمخلوق وكيف خفي عليهم رب العالمين. يجي رحمه الله. Lorsqu'il explique le verset d'Allah Azza wa Jal, ont mécru ceux qui ont dit qu'Allah est l'un des trois. Ceci fait partie des paroles des chrétiens, qui est une parole reconnue chez eux, dans laquelle ils prétendent qu'Allah est l'un des trois. La Trinité qu'ils prétendent en disant que c'est Allah, Isa et Maryam, alayhim salam. Et quelle grave parole ils ont dit. Et cette parole est une preuve de la faiblesse de leur raison. Comment peuvent-ils accepter une parole aussi cruelle et une croyance aussi mauvaise? Comment ont-ils pu se mélanger les pinceaux entre le Créateur et la créature. Et comment Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, puisse passer aussi inaperçu pour eux. قال تعالى ردا عليهم وعلى أشباههم وما من إله إلا إله واحد متصف بكل صفة كمال منزه عن كل نقص منفرد بالخلق والتدبير ما بالخلق من نعمة إلا منه فكيف يجعل معه إله غيره تعالى الله عما يقول الكافرون تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. Et Allah Azza wa Jal a répondu à cette parole. Allah Azza wa Jal dit dans la suite du verset: وما من إله إلا إله واحد. Et il n'y a de divinité qu'un seul. Alhamdulillah. يهديكم الله ويصلح بالكم. Et il n'y a de divinité qu'Allah le seul, c'est-à-dire le seul qui détient les caractères et les caractéristiques les plus parfaites. Et celui, le seul, subhanahu wa ta'ala, qui est exempt de tout défaut. Le seul qui a le pouvoir de créer, le seul qui a le pouvoir de gérer l'univers, subhanahu wa ta'ala, et les créatures qui jouissent d'un bienfait, il ne provient que de lui, subhanahu wa ta'ala. Comment donc avoir et prendre une autre divinité en dehors de lui? Qu'Allah Azza wa Jal soit exempté de ce que disent sur lui les offenseurs. Thumma qala Cheikh al-Wusabi, hafidhahullah, et Cheikh al-Wusabi cite le quatrième verset qui prouve que la mécréance des gens du livre et de ceux qui associent avec Allah subhanahu wa ta'ala parmi les polythéistes. Le quatrième verset est la parole d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il dit dans Surat al-Nisa, le verset 150 et 151, ceux qui mécroient en Allah et ses prophètes, et qui veulent séparer entre Allah et ses envoyés, et disent, nous croyons en certains, et nous ne croyons pas en d'autres, et ils veulent prendre dans cela un chemin intermédiaire. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla dit? Oulaïka humul kafirun haqqa. Ce sont eux, les véritables mécréants. Et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment douloureux. Cheikh Sa'di, rahimahullah ta'ala, a dit dans l'explication de ces versets, Huna qismani, qad wadaha lakum, li kulli ahad, mu'minun billah, قد وضح لكل أحد مؤمن بالله وبرسله كلهم وكتبه وكافر بذلك كله وبقي قسم ثالث وهو الذي يزعم أنه يؤمن ببعض الرسل دون البعض وأن هذا سبيل ينجيه من عذاب الله إن هذا إلا مجرد أماني فإن هؤلاء يريدون التفريق بين الله وبين رسله. Après qu'Allah Azza wa Jal ait cité les différentes classes dont se séparent les gens, par lesquelles les gens sont séparés, il y a ceux qui croient en Allah Azza wa Jal et à l'ensemble de ses prophètes, il y a ceux qui ne croient pas en Allah et à l'ensemble de ses prophètes, et il y a cette troisième partie, cette troisième classe de gens qui prétendent qu'ils croient en certains prophètes et ne croient pas en d'autres. Et que cela est une voie qu'ils empruntent et qui les épargnera du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais bien sûr, tout cela n'est que parole infondée. Tout cela n'est qu'espérance et prétention. Car, en réalité, cela, ceux qui croient en certains prophètes et ne croient pas en d'autres, veulent séparer entre Allah et ses prophètes, alayhim salam. فإن من تولى الله حقيقة تولى جميع رسله لأن ذلك من تمام توليه ومن عاد أحدا من رسله فقد عاد الله وعاد جميع رسله كما قال تعالى من كان عدوا لله الآية. Celui qui est l'allié d'Allah véritablement, eh bien doit être l'allié de l'ensemble de ses prophètes. Car cela fait partie de l'alliance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui combat Allah et qui combat, celui qui combat l'un de ses prophètes, il a alors combattu Allah et il a combattu l'ensemble des envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'a dit Allah azza wa jal dans les autres versets de Surat al-Baqarah, « Man kana aduwwan lillahi » وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين إن كان عدوا لله celui qui est l'ennemi d'Allah وملائكته et ses anges ورسله et ses prophètes وجبريل وميكائيل et dans une autre قراءة وميكائيل et l'ennemi de Jibril et de Mikaïl qui sont deux anges فإن الله عدو للكافرين. Alors Allah est l'ennemi des mécréants. Ainsi celui qui est l'ennemi d'un des prophètes est l'ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال وكذلك من كفر برسول فقد كفر بجميع الرسل بل بالرسول الذي يزعم أنه مؤمن أنه به مؤمن ولهذا قال أولئك هم الكافرون حقا وذلك لئلا يتوهم أن مرتبهم متوسطة بين الإيمان والكفر. Et Allah Azza wa Jalla dit ensuite, ce sont eux les véritables croyants, les véritables mécréants. Ceci car celui qui ne croit pas en un prophète, comme nous l'avons dit, ne croit pas en l'ensemble des prophètes. Et plus encore, celui qui ne croit pas aux prophètes, aux autres prophètes, ne croit pas aux prophètes en qui il prétend croire. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a appuyé cela en disant « Ce sont eux les véritables mécréants. » Afin que cela soit clair, et afin que certains ne pensent pas que ces personnes qui ont cru en certains prophètes et n'ont pas cru en d'autres, eh bien sont dans un état ou dans une posture intermédiaire entre la foi et la mécréance. Non, ne pense pas que cette position existe entre la foi et la mécréance. Celui qui ne croit pas en l'un des prophètes, ne croit pas en l'ensemble des prophètes, et de surcroît ne croit pas au prophète qu'il prétend croire, auquel il prétend croire. « وَوَجْهُ كَوْنِهِمْ كَافِرِينَ حَتَّى بِمَنْ زَعَمُوا الْإِيمَانَ بِهِ » أن كل دليل دلهم على الإيمان بما آمنوا به موجود أو مثله أو ما هو فوقه النبي الذي كفروا به. Pourquoi et comment expliquer le fait que s'ils ne croient pas en certains prophètes et croient en d'autres, qu'ils ont mécru en celui auquel ils prétendent croire? Comment expliquer cela? La réponse est, comme le dit Cheikh Saadi, et le fait que ce sont des mécréants et qu'ils mécroient même envers le prophète qu'ils prétendent, auquel ils prétendent croire, car toutes les preuves que ce prophète leur a apportées, qui justifient qu'ils aient cru en lui, eh bien ces preuves, ou des preuves semblables, ou des preuves encore plus parlantes, ont été apportées par les autres prophètes. Donc le fait que tu aies cru à ce prophète, qui t'a apporté des preuves évidentes, eh bien, les prophètes autres que lui ont aussi apporté des preuves qui sont soit comme celles qu'il a apportées, soit similaires, c'est-à-dire qui ressemblent, ou soit des preuves encore plus parlantes. وكل شبهة يزعمون أنهم يقدحون بها في النبي الذي كفروا به موجود مثلها أو أعظم منها في من آمنوا به. Également, les ambiguïtés qu'ils utilisent pour prouver qu'ils ne croient pas aux autres prophètes, ce qu'ils reprochent soi-disant aux autres prophètes, en prenant preuve que cela, en prenant en considération que cela est une preuve que ce ne sont pas des prophètes et qu'ils ne doivent pas croire en lui, eh bien, ces mêmes ambiguïtés, ou certaines sont présentes dans celui qu'ils prétendent être un prophète. Ainsi, il ne reste comme explication au fait qu'ils croient en certains prophètes et qu'ils ne croient pas en d'autres, la seule explication est qu'ils ont suivi leur passion, et que ceux-ci ne sont que des prétentions. ولما ذكر أن هؤلاء هم الكافرون حقا ذكر عقابا شاملا لهم ولكل كافر وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا كما تكبروا عن الإيمان بالله أهانهم الله أهانهم بالعذاب الأليم المخزي. Et après qu'Allah Azzawajal ait cité que ce sont eux les véritables mécréants, il a cité le châtiment général qui les englobera tous, ainsi que tous les mécréants, et nous avons préparé aux mécréants un châtiment douloureux, car ils se sont ostentés et ils se sont enorgueillés vis-à-vis de la foi et de la croyance en Allah Azzawajal. Eh bien, Allah Azza wa Jal les humiliera et les rabaissera par un châtiment douloureux qui les humiliera en enfer. Vous avez compris la preuve qu'a cité Cheikh Saadi sur le fait que le fait qu'il ne croit pas en un prophète ne croit pas en tous les autres. C'est clair? Si c'est pas clair, faut le dire. C'est clair. Le fait qu'ils croient en un prophète, eh bien, la chose qui les a poussés à croire est présente chez les autres. Et ce qu'ils reprochent aux autres prophètes et ce qui justifie le fait qu'ils ne croient pas en eux est aussi présent chez ceux qu'ils prétendent, auxquels ils prétendent croire. Ainsi, ce ne sont que des contradictions et cela prouve que ce sont véritablement des mécréants qui veulent séparer entre Allah et ses envoyés, alayhim salam. Et l'autre preuve, dans le livre d'Allah et la parole d'Allah Azza wa Jalla dans Surat An-Nisa, le verset 140, Inna Allah jami'u al-munafiqin wal-kafirin fi jahannam jami'a. Qu'Allah rassemblera les hypocrites et les mécréants dans l'enfer ensemble. Car ils auront été alliés dans cette vie d'ici-bas, et ils subiront le châtiment de l'enfer ensemble. Dans l'au-delà, wal-iyadu billah. Donc, le premier acte qui annule l'islam, c'est ash-shirku billah. Le second, ridda, l'apostasie de façon volontaire et de plein gré. Et la troisième chose qui annule l'islam, c'est de ne pas rendre mécréants ceux qui le sont. Et pour résumer, na'am, ceux qu'Allah et son envoyé ont considérés comme mécréants. Le fait de ne pas les considérer mécréants ou plus? Non? Ou douter de leur mécréance ou considérer que ce qu'ils font est bien ou que leur voix est bonne? An-naqidu rabi' man i'taqada anna hadiya ghayri an-nabi sallallahu alayhi wa sallam أكمل من هديه وأن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه. Le quatrième acte qui annule l'islam, c'est celui qui considère que que la voix d'autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est plus complète que sa voix, ou que le jugement d'autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est meilleur que son jugement, ou ceux qui favorisent le jugement de ceux qui sont adorés en dehors d'Allah sur le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ويدخل فيه من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس أفضل من شريعة الإسلام أو أن أحكام الإسلام لا يصلح تطبيقها في هذا العصر أو أن الإسلام كان سببا في تخلف المسلمين. Entre également dans ce quatrième acte annulatif de l'islam, celui qui croit que les lois et que les comment traduire les institutions, les juridictions, les constitutions, naam, que les gens ont pris est meilleur que la législation de l'islam, ou que les jugements de l'islam ne sont pas, il n'est pas ne sont pas applicables à notre époque, ou qu'il n'est pas bon de les appliquer à notre époque, ou de considérer que l'islam est la cause de la régression des musulmans. Celui qui croit en une de ces choses, eh bien, annule par cela l'islam, wal'iyadu billah. Aou أن يحصر الإسلام في علاقة المرء بربه دون أن يتدخل في شؤون الحياة الأخرى. Ou bien de restreindre l'islam à une relation entre la personne et son Seigneur sans que l'islam n'entre dans les autres aspects de sa vie. ويدخل في هذا الناقض من يرى أن إنفاذ حكم الله في قطع يد السارق أو رجم الزاني المحصن لا يناسب العصر الحاضر. Entre également dans cet acte annulatif de l'islam celui qui voit que l'application des lois d'Allah, comme de couper la main du voleur ou de lapider l'adultère, celui qui a commis l'adultère ou celui qui a commis la fornication après avoir été marié, que cela ne correspond pas et n'est plus d'actualité à notre époque. Wal'iyadu billah. Celui qui considère que les lois d'Allah ne sont plus applicables à notre époque, eh bien, il sort de l'islam, wal'iyadu billah. Car dans les lois d'Allah, il y a la sagesse même. Et la loi d'Allah, azza wa jalla, doit être appliquée. Et en aucun cas, elle ne doit être reniée. Ainsi, le musulman doit préserver sa langue pour ne pas proférer des paroles qui viendraient le faire plonger en enfer. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'un d'entre vous dit une parole sans qu'il ne s'en rende compte, elle le fait plonger en enfer 70 ans, dans une profondeur de 70 ans. ويدخل في ذلك أيضا كل من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير شريعة الله في المعاملات أو الحدود أو غيرهما وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة لأنه بذلك يكون قد استباح ما حرم الله إجماعا. Entre également dans cela le fait de croire qu'il est autorisé de juger par une loi autre que celle d'Allah, que ce soit dans les transactions, ou que ce soit dans les sentences ou autres, même s'il ne croit pas que cela est meilleur que la législation de l'islam. Le fait donc de considérer, de croire qu'il est autorisé de juger par une autre loi que celle d'Allah, même si tu considères que cette autre loi n'est pas meilleure que celle d'Allah, mais le fait d'autoriser l'établissement de cette loi et qu'il est autorisé de juger avec celle-ci, eh bien cela te fait sortir de l'islam, car tu auras autorisé une chose qui est interdite à l'unanimité des savants. En islam, on ne juge que par la loi d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et aucun savant, aucune personne en islam n'a autorisé de juger par une loi autre que celle d'Allah. Car la loi d'Allah est la meilleure, c'est la plus complète. C'est celle qui correspond le mieux à l'être humain, car elle provient d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et c'est lui, azza wa jal, qui l'a instaurée. وكل من استباح ما حرم الله ورسوله مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا والربا والخم والحكم بغير ما أنزل الله والحكم بغير ما أنزل الله إلى غير ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين. Et celui qui considère licite et qui s'autorise, qui autorise ce qu'Allah a interdit, son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, faisant partie des choses qui sont reconnues comme faisant partie des choses essentielles de la religion, comme l'interdiction de la fornication, comme l'interdiction de l'usure, comme l'interdiction de la consommation de l'alcool, ou comme l'interdiction de juger par une loi autre que celle d'Allah. Celui qui autorise une chose qui fait partie, comme les savants l'appellent, min al-umur il-ma'loumati min al-din bid-darura, c'est une chose qui est connue et qui fait partie des choses essentielles, celui qui l'autorise, eh bien, comme l'a dit Cheikh Mohamed Al-Wasabi, فَهُوَ كَافِرٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ. C'est un mécréant à l'unanimité des savants. وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ, c'est une chose qu'on voit de plus en plus, surtout concernant l'alcool, où des personnes viennent polémiquer sur l'interdiction de l'alcool, apportant un verset dans le Coran où il est interdit de boire l'alcool. L'alcool n'est pas interdit, etc., etc., wal'iyadhu billah. Alors que cela fait partie des choses essentielles. Même les non-musulmans savent que les musulmans ne boivent pas d'alcool. C'est une chose qui est tellement répandue et tellement connue de l'islam et des musulmans que c'est une chose qui ne fait l'ombre d'aucun doute et c'est l'unanimité des savants. Et celui qui autorise une chose interdite comme celle-ci sort de l'islam, wal'iyadhu billah. قال الله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. Et les preuves sont nombreuses dans le livre d'Allah. Parmi ces preuves, la parole d'Allah Azza wa Jal dans sourate Al-Ma'idah, le verset 50, où il dit subhanahu wa ta'ala, est-ce donc le jugement du temps de la période anti-islamique qu'il cherche? Et qu'y a-t-il de meilleur qu'Allah en matière de jugement pour les gens qui ont une foi profonde? On va lire l'explication de Cheikh Saadi rahimahullah sur ce verset. أفحكم الجاهلية يبغون قال الشيخ السعدي أي أفيطلبون بتوليهم وإعراضهم عنك حكم الجاهلية وهو كل حكم خالف ما أنزل الله على رسوله فلا ثم إلا حكم الله إلا حكم الله ورسوله أو حكم الجاهلية، فمن أعرض عن الأول ابتلي بالثاني المبني على الجهل والظلم والبغي، ولهذا أضافه الله للجاهلية. وأما حكم الله تعالى فمبني على العلم والعدل والقسط والنور والهدى. Est-ce donc le jugement du temps de la période anti-islamique qu'il cherche? C'est-à-dire, est-ce qu'il cherche en s'alliant à eux, c'est-à-dire aux non-musulmans, et en se détournant de toi, recherche-t-il le jugement de la période anti-islamique, qui est, comme le dit Cheikh Saadi, tout jugement qui contredit ce qu'Allah a révélé à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a donc que le jugement d'Allah et son envoyé, ou alors le jugement de la période anti-islamique. Un jugement de la période anti-islamique. Et comme il le dit, rahimahullah, celui qui se détourne du premier sera éprouvé par le deuxième. Celui qui se détourne du jugement d'Allah et de son envoyé sera éprouvé par le jugement de la période anti-islamique qui est basé sur l'ignorance, qui est basé sur l'injustice, qui est basé sur Al-Ghay, sur la débauche. Et c'est pour cela qu'Allah Azzawajal a qualifié ce jugement comme faisant partie des jugements de la période anti-islamique. Car avant l'arrivée de l'islam, les gens vivaient-ils dans l'obscurité ou dans la lumière? Dans l'obscurité de la mécréance, et les filles, entre autres, étaient enterrées vivantes, wal'iyadu billah. Quant au jugement d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il est basé sur la science, sur la justice, sur l'équité, sur la lumière et sur la guidée. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُقِنُونَ فَالْمُوقِنُ هُوَ الَّذِي يَعْرِفُ الْفَرْقَ بَيْنَ الْحُكْمَيْنِ وَيُمَيِّزْ بِإِيقَانِهِ مَا فِي حُكْمِ اللَّهِ من الحسن والبهاء وأنه يتعين عقلا وشرعا اتباعه واليقين هو العلم التام الموجب للعمل. Qu'y a-t-il de meilleur qu'Allah en matière de jugement pour les gens qui ont la certitude? Celui donc qui est certain et qui a la certitude, c'est celui qui connaît la différence entre les deux jugements et qui distingue entre les deux. Et il relève également ce qu'il y a dans le jugement d'Allah comme beauté. Et cela le pousse par la raison et par la religion à le suivre, c'est-à-dire le jugement d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et la certitude, quelle est sa définition? C'est la science complète qui pousse à agir. C'est la science complète qui te pousse à œuvrer. C'est ça la certitude. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans l'autre verset, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ. Nous avons fait d'eux des imams dans la religion qui guide par notre commandement quand, lorsqu'ils ont patienté et ont eu la certitude d'eux. Lorsqu'ils ont eu la certitude de la véracité de l'islam, les savants qui, à force d'apprendre, eh bien, acquièrent cette certitude qui est cette science complète qui oblige et qui pousse la personne à œuvrer et à agir dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقال تعالى قال الشيخ الوصابي حفظه الله وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما، وقال تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. D'autres preuves, les autres preuves que c'est le jugement d'Allah Azza wa Jal qui doit être appliqué et que celui qui ne l'applique pas, eh bien que cela fait partie des actes qui annulent l'islam et la parole d'Allah Azza wa Jal dans Sourate Al-Ma'ida, et celui qui ne juge pas par ce qu'Allah a révélé, ce sont eux les mécréants. Et dans l'autre verset, Sourate Al-Ma'ida, le verset 45, et celui qui ne juge pas par ce qu'Allah a révélé, ce sont eux les offenseurs et les injustes. Et dans le 47e verset de Sourate Al-Ma'ida, et celui qui ne juge pas ce qu'Allah a fait descendre, ce sont eux les pervers. Le Cheikh Saadi, rahimahullah, dit dans l'explication du premier verset, à savoir le 44e de Sourate, la table servie, « فَالْحُكُمْ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْكُفْرِ وقد يكون كفرا ينقل عن الملة. Le fait de juger par autre que ce qu'Allah Azza wa Jalla a fait descendre fait partie des actes des gens de la mécréance. Et le fait de juger par autre, par une loi autre que celle d'Allah, peut amener à la grande mécréance qui fait sortir de l'enceinte de l'islam et de l'enceinte de la communauté. وذلك إذا اعتقد حله وجوازه. Et ceci lorsqu'il considère et lorsqu'il croit l'autorisation de cela, c'est-à-dire de juger par une loi autre que celle d'Allah. وقد يكون كبيرا من كبائر الذنوب ومن أعمال الكفر وقد استحق من فعله العذاب الشديد. Et cela peut être considéré comme un grand péché et comme faisant partie des actes de la mécréance, et celui qui le fait le mérite un châtiment douloureux et un châtiment grave et dur. Donc ici le Cheikh Saadi rahimahullah différencie entre celui qui juge en considérant que cela est autorisé et que celui qui juge ainsi sort de l'islam. Et celui qui juge par une loi autre que celle d'Allah, en considérant qu'il est fautif, et en considérant que la loi d'Allah est meilleure, lui, il ne sort pas de l'islam, mais il a commis un énorme péché, et il encourt un châtiment extrêmement douloureux. Et il dit, rahimahullah, Cheikh Saadi, lorsqu'il explique le 45e verset, et celui qui ne juge pas par ce qu'Allah a fait révéler, ce sont eux les offenseurs, il dit, rahimahullah, قال ابن عباس كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق فهو ظلم أكبر عند استحلاله وعظمة كبيرة وعظيم وكبيرة عند فعله غير مستحل به غير مستحل له. Il dit, rahimahullah, Abdullah ibn Abbas a dit, c'est une mécréance autre que la mécréance, et c'est une offense autre que l'offense, et c'est une perversité autre que la perversité. Car la mécréance se divise en deux, il y a la grande et la petite. De même, l'offense se divise en deux, il y a la grande et la petite. Et la perversité, il y a la grande et la petite. C'est une grande injustice pour celui qui considère son autorisation. Et c'est un énorme péché pour celui qui le commet sans croire à son autorisation. C'est clair ou pas? طيب. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, la religion chez Allah, c'est l'islam. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, dans le verset 85 de Sourate Al-Imran, et celui qui prend autre que l'islam comme religion, rien ne sera accepté de lui, et il fera partie dans l'au-delà des perdants. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, dans le verset 56 de Sourate An-Nisa, les femmes, ceux qui ont mécru en nos signes, nous les ferons entrer en enfer. À chaque fois que leurs peaux auront été consumées, nous leur donnerons d'autres peaux en échange, afin qu'ils goûtent au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la Cheikh Sa'di rahimahullah a dit lorsqu'il explique ce verset, إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. Ceux qui ont mécru en nos signes, nous les ferons entrer en enfer. أي عظيمة الوقود شديدة الحرارة. C'est-à-dire un feu qui a été un feu ardent qui a été lourdement chauffé. كلما نضجت جلودهم أي احترقت. À chaque fois que leurs peaux auront été consumées, c'est-à-dire que leur peau a été carbonisée. بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. Nous leur donnerons d'autres peaux, autres que celles qui a été consumées, afin qu'ils goûtent au châtiment. أي ليبلغ العذاب منهم كل مبلغ. ولما تكرر منهم الكفر والعناد وصار وصفا لهم وسيجه كرر عليهم العذاب جزاء وفاقا ولهذا قال إن الله كان عزيزا حكيما أي له العزة العظيمة والحكمة في خلقه وأمره وثوابه وعقابه. Nous leur donnerons une peau autre que celle qui a été consumée, afin qu'ils goûtent au châtiment, c'est-à-dire afin que le châtiment les recouvre et qu'il atteigne toutes les parties de leur corps. Et parce que leur mécréance et leur refus s'est perpétré et s'est répété dans cette vie d'ici-bas, au point que cela a été une de leurs caractéristiques, alors Allah Azza wa Jal leur donne également un châtiment qui se répète, wal'iyadhu billah, un châtiment qui se répète et qui vient en totale concordance avec ce qu'ils étaient dans cette vie d'ici-bas. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a clôturé ce verset en disant « Et Allah est le Tout-Puissant et le Tout-Sage », c'est-à-dire qu'il a la puissance la plus grande et qu'il a la sagesse la plus parfaite dans sa création, dans ses commandements, dans sa récompense et dans son châtiment, subhanahu wa ta'ala. ثم يقول الشيخ الوصابي حفظه الله الناقد الخامس. Puis il dit, rahimahullah, le cinquième acte annulatif de l'islam ou annulatoire de l'islam. من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر. من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر. قال الله تعالى والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وقال تعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. Le cinquième acte qui annule l'islam, c'est de détester une chose qu'a apporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si celle-ci est mise en pratique. Celui qui déteste une chose qu'a apporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il l'a mis en pratique, est mécréant. Et a commis un acte de mécréance, wal'ayadu billah. La preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal dans Sourate Muhammad, le verset 8 et 9. Ceux qui ont mécru auront un malheur pour eux, et Allah rendra leurs œuvres vaines. Ceci, car ils ont détesté ce qu'Allah a fait révéler ou ce qu'Allah a fait descendre. Ainsi, il a annulé leur acte. فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Et qu'est-ce qui annule l'acte d'une personne? C'est la mécréance. Al-kufr wal-iyad billah. Al-kufr, lorsqu'une personne est mécréante, eh bien ses actes sont annulés et ne sont plus acceptés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'autre verset qui prouve cela est le verset, ils sont les versets 25 et 28 de Sourate Muhammad également. Où Allah Azza wa Jalla dit son le sens. Ceux qui sont revenus sur leurs pas, c'est-à-dire qui ont apostasié et qui ont renié leur religion, après que la guidée leur ait été montrée, alors, en réalité, c'est le diable qui les a séduits et qui les a trompés. Ceci, pourquoi est-ce qu'ils ont été considérés comme avoir renié leur religion? ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهِ. Ceci, car ils ont dit à ceux qui détestent ce qu'Allah a fait révéler, nous vous obéirons dans certaines choses. وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ. Alors qu'Allah connaît parfaitement ce qu'ils cachent. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَ. Comment seront-ils lorsque les anges viendront arracher leur âme en les frappant, en leur frappant le visage et le derrière? ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهِ. Ceci, car ils ont suivi ce qui provoque la colère d'Allah. وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ. Et ils ont détesté sa satisfaction. فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Il a alors aboli leurs actes. Il a alors aboli leurs actes. Donc celui donc qui déteste une chose que le professeur sallam a apporté, ou qu'Allah azza wa jal a légiféré, eh bien sort de l'islam, wa l'ayyadu billah. An-naqid as-sadis, man istahza'a billahi aw ar-rasuli aw al-qur'ani aw ad-din aw al-mala'ikati aw al-ulama'i min ajli 'ilmihim aw bi ayyi sha'irati min sha'air al-islam. كالصلاة والزكاة والصيام والحج والطواف بالكعبة والوقوف بعرفة أو المساجد والأذان أو اللحية أو السنة النبوية إلى غير ذلك من شعائر الله والمقدسات الإسلامية فهو كافر. Le sixième acte qui annule l'islam, celui qui se moque d'Allah ou du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou du Coran, ou de la religion, ou des anges, ou des savants de par leur science, ou qui se moquent d'un emblème parmi les emblèmes de l'islam, comme la prière, la zakat, le jeûne, le pèlerinage, le tawaf autour de la Kaaba, la station de Arafah, ou qui se moquent des mosquées, ou de l'adhan, ou de la barbe, ou de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tout autre, et tous les autres emblèmes d'Allah et des choses qui sont saintes en islam, alors il est mécréant. فَهُوَ كَافِرْ وَلْعِيَذُ بِاللَّهِ. Et ça, c'est des choses qu'on entend malheureusement de plus en plus à notre époque. Certains se moquent de la religion en justifiant cela que ce sont des moqueries gentilles, surtout lorsqu'ils se moquent de la barbe, ou lorsqu'ils se moquent du qamis, ou lorsqu'ils se moquent du jilbab et du voile de la femme musulmane, en disant que les femmes en jilbab sont comparables à des corbeaux, etc., etc., wal'iyadu billah. La preuve, dans le livre d'Allah Azzawajal, قال الله تعالى قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين وقال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون وقال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وقال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا وقال تعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وقال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب qui prouve la mécréance de ceux qui se moquent de la religion d'Allah, de son envoyé. Et le verset 65, sont les versets 65 et 66 de Surat al-Tawbah, dans lequel Allah Azza wa Jalla dit, est-ce d'Allah, de ses signes et de son envoyé dont vous vous moquiez, ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru après votre foi, si nous pardonnons à une partie d'entre vous, nous châtirons l'autre partie de car ils ont été des criminels. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية ولئن سألتهم عما قالوه من الطعن في المسلمين وفي دينهم يقول طائفة منهم في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء ونحو ذلك ولما بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم بكلامهم جاءوا يعتذرون إليه ويقولون إنما كنا نخوض ونلعب أي نتكلم بكلام لا قصد لنا به ولا قصدنا الطعن والعيب قال الله تعالى مبينا عدم عذرهم وكذبهم في ذلك قل لهم أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فإن الاستهزاء بالله ورسوله كفر مخرج عن الدين لأن أصل الدين مبني على تعظيم الله وتعظيم دينه ورسله والاستهزاء بشيء من ذلك مناف لهذا الأصل ومناقض له أشد المناقضة il dit رحمه الله et si tu les questionnais c'est-à-dire sur ce qu'ils ont dit. En parlant des hypocrites sur ce qu'ils ont dit comme insulte envers les musulmans et leur religion, lorsqu'une partie d'eux, c'est-à-dire les hypocrites, a dit lors de la bataille de Tabouk, nous n'avons pas vu similaires à eux, c'est-à-dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ses compagnons, des personnes qui ont tant envie de remplir leur ventre et des langues aussi mensongères et des personnes aussi lâches dans le combat. Et il voulait dire, il voulait parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Et lorsque cela est arrivé aux oreilles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils ont su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, leurs paroles ont parvenu ou sont parvenues au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont venus s'excuser auprès de lui, en disant, nous ne faisions que rigoler et nous amuser. C'est-à-dire que nous disions des paroles que nous ne pensions pas. Et notre but n'était pas de vous dénigrer, ni de vous insulter. قال الله تعالى, et Allah Azza wa Jalla a dit, pour montrer que leur excuse n'est pas acceptée, et pour montrer leur mensonge, il a dit, قل, dis, c'est-à-dire dis-leur, ô Muhammad, est-ce d'Allah, de ses signes, de son envoyé dont vous vous moquiez, ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru après avoir connu la foi. Le fait donc de se moquer d'Allah et de son envoyé est une mécréance qui fait sortir de l'islam, car la base de l'islam repose sur le fait d'immensifier Allah et d'immensifier sa religion et ses prophètes, et le fait de se moquer d'une de ces choses vient abolir cette base et vient la contredire d'une façon forte. ولهذا لما جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعتذرون هذه المقالة والرسول لا يزيدهم على قوله أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Et c'est ainsi que lorsqu'ils sont venus s'excuser auprès du prophète صلى الله عليه وسلم de ces paroles qu'ils ont proférées à son encontre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne disait pas plus que ce qu'Allah azzawajal lui avait ordonné de dire, à savoir de répéter « Est-ce d'Allah, de ses signes et de son prophète dont vous vous moquiez, ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru après avoir connu la foi. » نعذب طائفة منكم بأنهم أي بسبب أنهم كانوا مجرمين مقيمين على كفرهم ونفاقهم. وفي هذه الآيات دليل على أن من أسر سريرة خصوصا السريرة التي يمكر فيها بدينه ويستهزئ به وبآياته ورسوله فإن الله يظهرها ويفضح صاحبها ويعاقبه أشد العقوبة. وأن من استهزأ بشيء من كتاب الله وسنة رسوله الثابتة عنه أو سخر بذلك أو تنقصه أو استهزأ بالرسول أو تنقصه فإنه كافر بالله العظيم. وأن التوبة مقبولة من كل ذنب وإن كان عظيما. Et la parole d'Allah عز وجل, et si nous pardonnons à une partie d'entre eux, c'est-à-dire si nous pardonnons à une partie d'entre eux qui véritablement s'est repenti à Allah subhanahu wa ta'ala et ont demandé réellement le pardon et ont regretté, eh bien Allah azza wa jal châtiera l'autre partie d'entre eux, car ils ont été agresseurs en proclamant leur mécréance et leur hypocrisie. Et dans ces versets de surat al-Tawbah et le verset qui le précède, entre autres la parole d'Allah Azza wa Jalla, يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم, que les hypocrites avaient peur qu'une sourate soit révélée et qui montre leur véritable visage. Ils avaient peur qu'Allah Azza wa Jalla révèle à son prophète sallallahu alayhi wa sallam ou révèle une sourate dans laquelle il serait démasqué. Dans ces versets, il y a une preuve que celui qui a un secret ou qui cache des choses dans laquelle il trompe la religion ou par laquelle il se moque d'Allah, de son envoyé et de ses signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala un jour ou l'autre démasquera cette personne et fera montrer son cas au grand jour. Et également, il y a une preuve dans ce verset que celui qui se moque de quelque chose, d'une chose présente dans le livre d'Allah ou d'une sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il se moque de celle-ci ou qu'il la rabaisse ou qu'il se moque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou qu'il le rabaisse, c'est un mécréant qui a mécru en Allah l'immense. Et il y a aussi une preuve dans ces versets que le repentir est accepté même si le péché est ignoble. Car Allah Azza wa Jalla a dit « Inna afu an ta'ifa » si nous pardonnons à une partie. Donc Allah Azza wa Jalla pardonnera-t-il à celui qui s'est moqué de lui ou de sa religion ou de ses prophètes? La réponse est oui, s'il se repent en réunissant les conditions du repentir, en regrettant, en arrêtant afouel, en ayant la conviction de ne plus recommencer, et ceci bien sûr de son vivant, avant que son âme n'arrive à sa gorge, alors effectivement Allah Azza wa Jal lui pardonnera son péché. وَنَكْتَفِي بِهَذَا الْقَدْرِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ وَنُوَاصِلُ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ